Alors, nous sommes le 5 février 2011. J'aimerais finir ma lecture du récit poétique de Jean-Yves Tadié. Donc, c'est l'ouvrage qui me permet d'expérimenter la technique des notes orales que j'espère améliorer très bientôt. Donc, j'avais déjà pris en note à l'oral l'introduction du livre critique de Jean-Yves Tadié. Et j'ai pris en note écrite le chapitre sur les personnages. Donc là, je vais essayer d'oraliser mes notes en essayant de synthétiser un petit peu, parce que j'ai quand même 2 pages de notes, ça me paraît quand même beaucoup. Donc, il commence, t'as dit, il commence par par quelques généralités sur le roman et le récit, ce qui caractérise le passage de l'un à l'autre, ça va être la mutation du héros. Donc, le récit ne consacre pas au personnage les mêmes possibilités. Il ne donne pas au personnage les mêmes possibilités que le roman. Ce fait de Stendhal le dernier grand romancier dont les créatures sont autonomes et se décident librement. C'est à ce moment-là que Tadié fait allusion au récit de Jarry. C'est un passage qui m'a particulièrement alertée. Parce que ces récits semblent être en plein dans mon objet de recherche, puisqu'il y est question d'une recherche de l'absolu inversé où la mystique se dégrade en érotique. Donc c'est vraiment une piste à creuser. Ensuite, il y a une évolution psychologique. Quand on passe du roman au récit, puisque le récit se manifeste par la dislocation extérieure et intérieure du héros. Donc on passe donc du héros au anti-héros à partir de Flaubert ou de Maupassant. Les héros disloqués. Enfin, le fait que le héros soit disloqué se traduit en général par la présence d'un moi tyrannique. Donc, étant emblématique de ceci, le roman Confession, tel que par exemple Valérie l'a mis en valeur en parlant de Huysmans. Donc voici une citation de Valérie. Cet en route singulier où se reconnaît souvent la voix sans repos et sans bruit, celle qui se tait lorsqu'on parle. Donc cet en route singulier où se reconnaît souvent la voix sans repos et sans bruit, celle qui se tait lorsqu'on parle. C'est de cette façon que Valérie caractérise la voix du narrateur dans le roman de Huysmans. On assiste donc dans ce type de récit où on observe la présence d'un moi tyrannique au triomphe du point de vue. Bon, je crois qu'il va falloir synthétiser un peu mieux. En même temps, ces idées sont tellement intéressantes que je me vois mal les synthétiser. En fait, enfin, cet exercice a simplement pour but de m'apprendre à parler, car j'ai l'impression de ne pas savoir parler. C'est terrible. Donc, se met en place peu à peu une typologie du héros 1900, où le mythe de Narcisse que le mythe de Narcisse permet de caractériser. Puisque ce héros, en fait, est l'individu qui se met à la recherche de son image. On a souvent. On assiste souvent à un procédé qui consiste à mettre un roman dans un roman, ce qui a pour conséquence le fait que la littérature devient son propre sujet, qu'elle contemple son reflet dans l'eau du langage. Ainsi, l'objet de l'esthète va être de composer la vie d'impression d'art, je cite ici Paul Bourget, c'est-à-dire de faire de sa vie une œuvre d'art. Mais cette conception va être fortement critiquée par Proust et par Gide dans Palude. Ainsi, le héros désaffecté, le héros éloigné de toute action, s'incarne dans la figure du dilettante, qui est caractérisée à la fois par l'impuissance sentimentale et la recherche de l'universalité géographique. On assiste donc à une sorte de cosmopolitisme romantique transformé. En sont emblématiques Barrès, Bourget, Larbaud. Il ne s'agit plus de conquérir le monde ni de le connaître, car le regard seul suffit. Voici donc, pour résumer, le héros tel qu'il apparaît dans le récit. Donc il s'agit d'un héros transformé par rapport au grand roman du 19e siècle, du roman stendhalien. Donc ce qui caractérise ce héros, c'est sa dislocation. Il est plutôt un anti-héros qu'un héros, et il est caractérisé par un moi surdimensionné. Donc dans le récit, le point de vue du narrateur va triompher. Du narrateur qui... Oui, car le récit est très souvent à la première personne, ce qui permet... Et ceci permet des procédés de mise en abîme, ce qui permet donc à la littérature de devenir son propre sujet, de contempler son reflet dans l'eau du langage. Voici l'essentiel à retenir de cette mutation du héros, dans le passage du roman au récit. La renaissance du récit poétique au XXe siècle reprend au roman 1900 que l'on vient d'aborder ses thèmes et ses formes, mais c'est pour les organiser et les transformer. On assiste à une présence, on remarque une présence envahissante du narrateur. Ainsi, beaucoup de récits poétiques sont à la première personne, mais ce n'est pas forcément une règle. Il y a par exemple l'exemple de Jean Santeuil, de Proust, qui est plus autobiographique qu'À la recherche du temps perdu, mais qui est pourtant à la troisième personne. Alors là, je cite Jean-Yves Tadié, c'est une phrase qu'il importe de mémoriser de cette manière. Ce qui compte, c'est la solitude d'un héros dont la masse, sous la forme d'une répétition pronominal obsessionnel, présence multipliée, occurrence incessante, a pour caractéristique essentielle d'être une forme vide, le support d'une expérience, non plus agent, mais patient. Bon, je le répète, parce que c'est pas évident, ce qui compte, c'est la solitude d'un héros dont la masse, sous la forme d'une répétition pronominale obsessionnelle, présence multipliée, occurrence incessante, a pour caractéristique essentielle d'être une forme vide, le support d'une expérience, non plus agent, mais patient. Donc très intéressant cette remarque sur l'utilisation de la première personne. Il y a Donc malgré cette présence de la première personne, le recours à la biographie est rare. Thomas l'imposteur est peut-être Cocteau, Thomas l'obscur n'est peut-être pas Blanchot, mais rien ne les distinguera, cela importe peu. Donc souvent, le récit est à la première personne, mais il n'est pas forcément autobiographique. Alors ensuite, Jean-Yves Tadié va mobiliser une série d'exemples. Donc le premier exemple qu'il utilise, c'est celui de Jean Paulhan. Par exemple, dans son ouvrage Causes célèbres, on remarque une narration alternée entre la première et la troisième personne. Alors, je cite Jean Paulhan dans Surpris et comblé, comme si j'attendais, pour être satisfait, d'être à la fois les autres et moi-même. Quand je vis que je persistais à me prendre pour Dieu, je renonçais une fois pour toutes à me connaître. Il n'y a donc pas de contenu psychologique précis dans son œuvre, pas d'apparence physique détaillée, pas de véritable rupture entre le narrateur et les autres personnages. Donc je cite encore, nous n'arrêtons pas de rêver depuis notre enfance d'un homme qui serait à la fois tous les hommes. Je crois qu'en formulant mes notes à l'oral, au lieu de les prendre par écrit, j'ai vraiment mis le doigt sur une méthode fondamentale, mais qui est très difficile à mettre en pratique. Néanmoins, à l'avenir, cela va me forcer à synthétiser, à mettre vraiment le doigt sur l'essentiel et vraiment m'approprier les idées. Parce que là, je vois, donc j'ai commencé à parler de Jean Paulhan, donc j'ai fait deux citations qui à l'heure d'aujourd'hui, enfin, je rappelle, j'ai commencé ces notes le 25 février, 25 janvier, on est le 5 février, donc à l'heure d'aujourd'hui, elle me parle plus tellement. Et donc je les cite, mais je n'explique pas vraiment ce qui m'y a plu, donc ce qui donne à mon discours vraiment un caractère soporifique, j'imagine. Donc je passe, hein, sur mes autres notes là, sur Jean Paulhan. Après, donc l'autre exemple que Tadié convoque, c'est celui de Jean Giraudoux. Donc Jean Giraudoux enfin fait appel à des héros principaux dont les fonctions changent finalement peu d'un récit à l'autre. Dans ses romans, le héros recrée le monde, monde qui n'existe que dans le regard de ce héros. Les autres personnages semblent sortir du néant comme des ombres. Mais encore une fois, changer les autres en ombre, c'est ne voir que soi. Les héros de Giraudoux sont frères de Narcisse, pour ainsi dire. De là vient le goût du superlatif chez Giraudoux. Personne n'égale Narcisse. Sans chair et sans vie, sans évolution, embarrassé d'une intrigue prétexte, le héros giralducien n'a quant au contenu d'autre existence que les spectacles qu'il se donne, d'autres projets que celui de retourner à l'origine, d'autres vies sociales que la solitude. Il n'a quant aux formes que les images qui le déréalisent, les superlatifs qui l'idéalisent, les synecdoques qui le totalisent. Oui, bah voilà l'exemple. Donc là, j'ai recopié une partie du paragraphe. Bon, bah, je suis tentée de lire parce que je ne me les suis pas appropriées après la lecture. Et par conséquent, reprenant mes notes quelques temps plus tard, j'ai beaucoup de mal à me les approprier, puisque ce travail n'a pas été fait au moment où c'était opportun. Troisième exemple que cite Taillé, c'est les personnages d'enfants créés par Valérie Larbaud. Donc en fait, sa thèse, c'est que rien de ce qui meut les héros de romans ne meut les enfants créés par Valérie Larbaud dans Enfantine, paru en 1918. Ces enfants n'ont pas de passé, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de passion durable, pas d'apparence physique fixe. Donc l'art de Larbaud consiste à reconstituer un être, non par ses actions, non par ses paroles, mais par ses rêves. Donc voilà pour ce qui est de Valérie Larbaud. Ensuite, je m'étendrai davantage sur le cinquième exemple, qui est Le paysan de Paris de Louis Aragon. Donc, Le paysan de Paris est le premier des grands récits surréalistes. Il est à la première personne. Alors là, je cite Aragon, je ne me mets pas en scène, mais la première personne du singulier exprime pour moi tout le concret de l'homme. Toute métaphysique est à la première personne du singulier. Toute poésie aussi. La seconde personne, c'est encore la première. Donc c'est ce que met ici en scène Aragon, c'est un moi vide qui s'ouvre aux possibilités de rencontre, aux apparitions qui s'imposent à tout son être. Donc dans ce roman, dans ce récit qui est le Paysan de Paris, le promeneur découvre des lieux que réunit l'essence du plaisir qu'il procure. Des lieux qui réveillent une sorte de goût pour la révélation. Le livre propose une méthode pour découvrir le principe d'un enchantement à partir des objets usuels qui, à n'en pas douter, participaient pour moi du mystère, me plongeaient dans le mystère. Donc là, je cite, hein, des objets usuels qui, à n'en pas douter, participait pour moi du mystère, me plongeait dans le mystère. C'est très intéressant pour moi, le fait de voir que dans les objets visuels, les objets du quotidien, il y a un mystère. Et c'est une grande tendance, la littérature du XXe siècle, la littérature contemporaine, qui n'est plus centrée sur l'extraordinaire, mais sur le quotidien merveilleux. Le héros du paysan de Paris a pour fonction d'intégrer l'infini sous les apparences finies de l'univers. Donc ça, c'est une citation d'Aragon. Intégrer l'infini sous les apparences finies de l'univers, très intéressant. Et cela, il le fait en créant des mythes. Je ne pensais rien que du coup mon esprit. Donc là, je cite, hein, je ne pensais rien que du coup mon esprit ne se formât un dieu. Si éphémère, si peu conscient qu'il fût. Il m'a paru que l'homme est plein de dieu, comme une éponge immergée en plein ciel. Je me promenais donc avec ivresse au milieu de mille concrétions divines. Je me mis à concevoir une mythologie en marche. C'est ça. Je comprends que ce passage m'ait beaucoup plu parce qu'on est en plein dans la mythologie athée, dans la divinité athée. Le dieu athée. Un dieu sans dieu. C'est formidable. Ainsi, l'amour n'est plus l'objet de l'analyse. Il est le signe du merveilleux. Encore une citation, un passage très riche en citations, très très intéressant à Aragon, c'est à lire. Charmante substituée, tu es le résumé d'un monde merveilleux, du monde naturel, et c'est toi qui renais quand je ferme les yeux. Donc dans ce texte, Le paysan de Paris, la femme est une créature mythique qui remplit toutes les apparences du monde. C'est une créature qui se confond avec les montagnes, le ciel et la mer. Encore une citation très caractéristique, femme sans limite dont je suis entièrement baignée. Et c'est alors que le récit se change en poème en prose. Et ce qui permet ceci, c'est l'usage des allitérations. Des paronomases, des vers blancs par exemple. La femme est dans le feu, dans le fort, dans le faible. La femme est dans le fond des flots, dans la fuite des feuilles, dans la feinte solaire, ou comme un voyageur sans guide et sans cheval, j'égare ma fatigue en une féerie sans fin. Cette femme mythique, qui est toutes les femmes, est une créature de langage. Donc là, je suis revenue à Daniel. Donc la femme là dont parle Aragon dans les vers que je viens de citer, c'est une femme mythique, qui est toutes les femmes à la fois. Elle est une créature de langage qui est née des mots et qui vit par les mots. Encore une citation, tous mes mots sont pour toi et sont ton apparence. Donc, c'est ce dialogue là qu'on voit apparaître dans Le Paysan de Paris, ce dialogue entre un jeu dépouillé de tous ses attributs personnels et un tu qui s'adresse à une femme mythique. Donc ce dialogue marque tous les récits que le surréalisme fera naître. Donc tous les récits de Breton, de Desnos, de Mandiargues ou de Gracq. Et c'est un dialogue qu'on trouvait déjà chez Nerval ou Lautréam. Donc, exemple suivant, c'est celui sur lequel je m'étais arrêtée. Donc on va pouvoir passer à de véritables notes orales suffisamment claires pour être compréhensibles. Il s'agit de La liberté ou l'amour de Robert Desnos, donc paru en 1927. Je suis allée le voir à la bibliothèque, ça m'a fortement donné envie. Donc ce récit permet de traiter le problème du rapport du narrateur et des personnages dans le récit poétique. Donc je m'étais arrêtée là, mais j'imagine qu'il y a d'autres idées que j'aurais aimé prendre en note.